24e leçon. Le passe-temps numéro 1. Il y a un autre jeu que nous avons oublié. C'est le jeu de boules ou la pétanque. Un jeu qui vient du sud de la France. Partout où il y a un peu d'espace, vous voyez des joueurs de boules qui jouent dans les parcs ou sur la place du marché. C'est un jeu qui demande beaucoup d'habileté, beaucoup de concentration et un peu de passion. Mais il y a un autre passe-temps en France. Les gens le pratiquent, ils en parlent, ils le vivent à chaque moment. C'est la passion nationale numéro 1, bien manger. Exercice. C'est un jeu qui vient du sud de la France. Vous voyez des joueurs partout. J'aime beaucoup de sucre et un peu de lait dans mon café. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Il y a peu de gens qui le font.